LSD, la série documentaire, un podcast France Culture. On est chez moi, à Paris, dans le 15e. Bel appartement. Plutôt, ouais, je pense qu'on peut dire, j'ai beaucoup de chance. Est-ce qu'il y a dans cette pièce des objets dont vous avez hérité ? Oui. Il y a une petite amphore très ancienne qui a été trouvée dans la terre, enterrée en Franche-Comté. C'est la région dont sont originaires mes grands-parents. Et donc elle est en verre un petit peu irisé. Donc moi je trouve que c'est très joli et surtout c'est très très ancien. Et il y a un sulfure qui est une boule de verre soufflé avec des décorations bleues. Donc c'est le souvenir. Comme je flambe pas trop, ça se voit pas trop au quotidien que j'ai de l'argent. Après, les gens qui viennent dans mon appartement se rendent compte que, ah oui, en effet, c'est pas un tout petit studio en très grande banlieue que je loue. Non, c'est un appartement plus grand dans Paris et j'en suis propriétaire et je ne le rembourse pas, il est payé. En fonction des gens, certains osent poser la question ou d'une manière ou d'une autre s'enquérir de... En gros, la raison pour laquelle je vis dans cet appart. Tiens, t'as une grande terrasse. Voilà. Oh, ben, elle est grande, la terrasse. Oh, ben, il est grand, ton appartement. Mais vous êtes plusieurs dedans ? Ben, non, non. Ou alors le classique. Ah, c'est ton mari ou c'est ton copain ? Ben, non, parce que j'en ai pas. Donc, certaines personnes que je sens bien intentionnées et qui me posent la question, en tout cas, qui me tendent des perches pour savoir, je leur explique. Et alors, à ce moment-là, en général, il y a un grand moment de gêne. Parce que quand vous dites aux gens, ah, oui, il est beau, mon appartement, mais mes parents sont morts. Et là, tout de suite, les gens, ah, bah, on est désolé, ah, bah oui, bah là là, bah en fait, on pensait que t'avais de la chance, mais en fait, non, t'as pas vraiment de chance, enfin, faut voir, enfin, voilà, et grand moment de gêne. Le mérite en héritage, transmission, une fiction intime. Rémi Dibowski-Douat, Anne de Pelchin. Je m'appelle Cécile, j'ai 46 ans, je suis journaliste, rédactrice, traductrice également. J'ai grandi à Noisy-le-Sec, dans le 93. Et puis ensuite, mon père, qui travaillait dans une entreprise qui réparait les machines à affranchir, enfin qui les vendait, mais lui, il était au service après-vente, il a connu une ascension que je ne qualifierais pas forcément de sociale, mais d'économique. Petit employé technique, on va dire un peu mécanicien, technicien, petite main. Il n'avait pas de diplôme, hein, mon père. Et puis, 10, 20, probablement même 30 ans après, il s'est retrouvé directeur du service après-vente de toute la moitié nord de la France pour cette société. Voilà, donc évidemment, entre-temps, il a eu tout un tas de postes intermédiaires, avec à chaque fois de plus en plus de responsabilités, de plus en plus de stress, et aussi un salaire de plus en plus élevé. Et ma mère, en parallèle, qui elle était institutrice en maternelle, elle avait donc un salaire, en revanche quelque chose d'assez stable, enfin qui n'a pas avec le temps, qui n'a pas bougé comme mon père a pu connaître. Donc ils ont gagné de plus en plus d'argent, et au fur et à mesure, ils ont commencé à en avoir un petit peu marre de Noisy-le-Sec, de la Seine-Saint-Denis. Je pense qu'ils avaient aussi le regard un peu ailleurs, sur des endroits, à tort ou à raison, plus prestigieux. Et ils ont, à ce moment-là, décidé de déménager dans les Hauts-de-Seine, à Boulogne. Et on a déménagé là-bas en 96. Ouais, je devais avoir une petite vingtaine d'années. Alors, eux ont toujours vécu en dessous de leurs moyens. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils ont commencé à gagner de l'argent, voire suffisamment d'argent pour potentiellement, je sais pas, faire des voyages ou s'acheter des choses luxueuses ou que ce soit, je sais pas, ça peut être des vêtements ou des... Ils sont restés, je ne dirais pas comme avant, quand ils avaient des petits salaires à Noisy-le-Sec, mais ils ont changé très peu de choses. Ce qui a changé globalement, c'est leur appartement à Boulogne, qu'ils avaient acheté évidemment, donc ça c'était quelque chose, c'était une très grosse dépense. Mon père aimait bien les voitures. Donc tous les deux ans, ils changeaient de voiture pour pas trop perdre d'argent dessus. C'était des jolies berlines allemandes, voilà. Mais en dehors de ça, c'était pas des flambeurs du tout. C'était l'inverse de flambeurs. Et puis arrive avril 2003. Moi, j'ai 27 ans. Ma mère, depuis des années, depuis 10, 15, 20 ans, avait régulièrement des petites alertes au niveau du sein, des petits kystes, des petites choses comme ça. Et là, catastrophe, on lui trouve non pas un kyste, mais clairement une tumeur cancéreuse. Opération chirurgicale. On commence ce que beaucoup de gens connaissent, chimio, elle est malade, elle perd ses cheveux, elle va pas bien. Et puis, en octobre 2003, toujours, ils l'ont plongée dans un coma artificiel pour pouvoir lui donner un traitement qu'elle n'aurait pas supporté si elle n'était pas sédatée. Et elle est morte 48 heures après. Donc là, on est le 31 octobre 2003. Donc moi, j'ai 27 ans. Mon père, qui avait déjà des problèmes d'alcool, des problèmes de dépression, pendant 7 ans, il lutte. Et lui, en juillet 2010... Ça faisait 2 jours que j'arrivais pas à le joindre par téléphone. Je sais pas, je pensais que ça allait pas forcément bien se passer cette fois-ci. J'avais la clé de chez lui, hein. Donc le fameux appartement à Boulogne. Donc j'ouvre et puis je le trouve dans son lit, il était mort. Alors, le patrimoine de mes parents, tout compris, c'est-à-dire leurs avoirs à la banque, leur appartement, et même si on va par là, leur voiture ou leurs bijoux, il y avait un total d'un peu plus d'1,3 million d'euros. Sachant que moi, là-dessus, évidemment, je paye des droits de succession, ce qui est pour moi, en tout cas, non seulement évident, mais nécessaire. Donc, au final, j'hérite... Vraiment, en net, c'est-à-dire ce qui arrive sur mon compte en banque, j'hérite d'à peu près 1,2 million d'euros. Alors, qu'est-ce que vous vous dites à ce moment-là ? Je me dis que c'est de l'argent empoisonné, c'est de l'argent que je ne mérite pas, c'est de l'argent qui n'est pas à moi. Et je tombe à ce moment-là parce que j'ai dû changer d'établissement bancaire parce que l'établissement bancaire dans lequel j'étais en étant jeune travailleuse, étudiante, etc., ma conseillère... était pas équipée pour gérer ces sommes-là, elle était pas, enfin, je la sentais mal à l'aise. Et moi, à ce moment-là, j'avais évidemment besoin de conseils d'un banquier. Mais donc, je change de banque et je tombe sur une conseillère bancaire qui a servi un peu de, je pense, de psy aussi. Elle est là et elle me dit, qu'est-ce que vous voulez faire de cet argent? Parce que il y a des placements plus ou moins sûrs, qui peuvent rapporter plus ou moins. Je parle quand même d'une somme d'1,3 million. Sachant que moi, la seule chose dont j'étais certaine, c'est que de toute façon, avec cet argent, je voulais m'acheter à moi un appartement. Il y avait toutes ces questions qu'elle me posait. Et moi, tout ce que je pouvais penser, c'est « Mais qu'est-ce qu'auraient fait mes parents ? Parce qu'après tout, c'est leur argent. » Pour moi, cet argent, il n'était pas à moi. C'est-à-dire, non seulement je n'arrivais pas à le considérer comme mon argent, mais je n'avais pas envie de le considérer comme mon argent. C'était trop de sacrifices de mes parents pour que moi, derrière, je me l'approprie comme ça, en faisant ce que je veux. Et sans tenir compte de ce que eux auraient voulu ou auraient fait, surtout s'ils étaient encore vivants. Parce que ce qui est important aussi dans l'histoire, c'est qu'ils sont morts jeunes, particulièrement ma mère. Ma mère, elle avait 51 ans quand elle est morte. Donc, on se dit qu'ils avaient encore plein de trucs à faire avec leur argent et avec le reste de leur vie. Et il y a vraiment cette question centrale qui se pose. S'ils étaient là et si cet argent-là, il était dans leur banque à eux et avec leur désir à eux, qu'est-ce qu'ils feraient ? Alors, comment vous avez résolu tout ça ? Avec l'aide de la banquière ? j'ai coupé un peu la poire en deux, j'ai fait des compromis, c'est-à-dire que j'ai cherché en fait la sphère de ce que j'avais envie de faire moi, la sphère de ce que mes parents auraient fait s'ils étaient vivants, et les endroits où les deux sphères se chevauchaient, cette zone-là, c'est là que j'allais. C'est l'appartement que j'ai acheté, c'est les types de placements que j'ai fait avec l'argent qui restait après l'achat de l'appartement. C'est vraiment le compromis... eux et moi. Alors cet appartement dans lequel on est aujourd'hui, c'est l'appartement de l'héritage. Ah oui, complètement. Il est dans un endroit que mes parents auraient bien aimé, même si c'est pas un des quartiers de prédilection dans lesquels ils avaient cherché leur propre appartement. Mais on va pas chipoter, on est dans le 15e, eux ils cherchaient 16e, Boulogne, ici les Moulineaux. Voilà, c'est quand même très proche. Combien ça vaut un appartement comme ça ? Il vaut 900 000 euros. Donc oui, je ne peux pas faire autrement que de ne pas les trahir dans la mesure où... Alors, je ne vais pas dire qu'ils sont morts pour me laisser cet argent, mais parfois on n'en est pas loin. C'est-à-dire qu'ils ont quand même fait, on va dire, à minima d'énormes sacrifices et potentiellement ils y ont laissé la vie. Donc moi derrière, je vais pas aller m'acheter une Ferrari et aller à Monaco le claquer au casino. Bah non. Enfin non. Mes parents m'avaient toujours dit notre but dans la vie, c'est de te mettre à l'abri, que tu puisses t'acheter un appartement. C'était leur projet, c'était ce que j'étais censée faire avec. Après, l'argent qui restait au niveau des placements financiers ou des différentes choses que j'avais la possibilité de faire avec, j'ai pas. Oui, il y a eu une sanctuarisation, il y a eu un moment où je me suis dit bon, je pose ça là. Dans un premier temps, on ne touche à rien, statu quo. Je vais pas dilapider leur argent, je ne vais pas perdre leur argent. Voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ce placement sûr, le peu qu'il rapporte, j'ai choisi il y a 2 ans maintenant de me faire reverser tous les mois par la banque les intérêts des placements. C'est-à-dire que la somme que j'ai placée, elle reste telle qu'elle. Et chaque mois, ce que ça rapporte, moi je le fais verser sur mon compte. On parle de quelques centaines d'euros par mois. C'est aussi un énorme confort de vie, évidemment, que m'ont légué mes parents, parce que ça fait plus que aider, hein, à la fin du mois, plusieurs centaines d'euros en plus. Et surtout, il y a cette idée éminemment importante et très symbolique de me dire que je ne touche pas à leur argent, je ne touche qu'aux surplus, qu'aux intérêts que génère leur argent. Vous n'avez pas fait un truc un peu foufou ? Si. J'ai pris un billet en classe affaires pour un aller-retour à New York. Ma cousine habite à New York, on est très très proches, on est comme deux sœurs, parce qu'on est fille unique, elle et moi. Et donc je vais assez souvent la voir. Et peu de temps après la mort de mon père, donc la mort de mon deuxième parent, où j'étais en plein en train de vider l'appartement, de faire des choses d'une lourdeur et d'une tristesse infinie, et là je me suis dit... Et merde, allez. Et j'ai pris, et là on est vraiment dans le truc de flambeur. Et j'ai pris un aller-retour à New York comme je faisais souvent, sauf que le faire en classe éco, je l'ai fait en business. Pas en premium intermédiaire, hein. Non, en business. Je m'appelle Francesca Perissinotto, je suis musicienne. Nous avons un duo de jazz brésilien avec mon mari. Moi, je m'appelle Lourival Silvestre. Entre autres, je compose aussi pour la musique symphonique. La retraite approchant, vous vous êtes posé des questions concernant la suite, concernant votre héritage. Comme nous n'avons pas d'enfants, nous avons trouvé important de léguer nos biens à des causes qui nous sont chères. Nous avons cette petite maison, cette ancienne petite maison de pêcheurs qui date de 1610, qu'on a eu la chance d'acheter il y a 10 ans. Et puis j'ai un appartement que j'ai hérité donc, de mes parents à Neuilly. Donc voilà, j'ai un appartement de 60 mètres carrés. Voilà, et puis voilà, un peu d'argent que j'ai pu placer. Voilà, j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie parce que j'ai pas gagné beaucoup d'argent dans ma vie avec mon métier. C'était un peu compliqué, donc j'ai eu de la chance d'avoir toujours autour de moi des gens qui m'aident, des petits héritages qui me tombent à droite à gauche. Donc c'est grâce à cette chance que j'aimerais justement continuer, enfin faire. Déjà, j'ai une part pour mon neveu, parce que j'ai un neveu, puis Lourival aussi. Donc, on a une part qu'on a laissée pour nos neveux. Sachant que l'État va prendre une bonne partie, n'est-ce pas, en passant. Même si on ne le veut pas, il se servira. Voilà. On sent que ça vous fait mal, ça. J'ai pas trop confiance. Non, j'ai pas confiance en l'État. J'ai confiance en ces associations qui sont vraiment très dévouées, qui œuvrent chaque jour contre la misère, contre la pollution, contre voilà. En plus, nous sommes dans un état d'urgence. Hein. Actuellement, on a plus le temps d'attendre. On a déjà dépassé les points de non-retour. Alors donc, faut se calmer. Et puis, c'est pas les gens qui sont à la tête des différents États qui vont faire quelque chose. Donc il faut vraiment que ce soit des associations importantes comme Greenpeace et d'autres. Et toutes ces associations qui se battent, dont Greenpeace, donc, qui se battent pour justement préserver nos biens, la planète, enfin préserver la paix sur Terre, etc. etc. Ben, je veux dire, il faut absolument agir. Donc c'est assez simple. Bon, de toute façon, après nous, voilà, on n'emporte rien avec nous, ça c'est clair. Donc ça, il faut que ce soit bien clair. On n'emporte rien avec nous. On se retrouve chez un notaire et je procède tout seul à la donation des actions à une fondation actionnaire. 20% ferme, irrévocable, accompagné d'un testament que je suis seul à rédiger et à signer, où je transmets en cas de décès l'intégralité du capital à la fondation. La conséquence concrète de ce que vous dites, c'est que vos enfants ne vont pas hériter de ce capital considérable que vous avez fait prospérer durant ces années. Je suis Bruno Pérol et j'ai créé il y a plus de 30 ans une enseigne qui s'appelle Bureau Vallée, qui rassemble sous un même toit des produits de fourniture de bureaux, de papeterie, de matériel, de mobilier de bureau. Et nous avons développé cette enseigne jusqu'à plusieurs centaines de magasins et une bonne vingtaine de territoires et pays. Elle fait 600 millions hors taxes de chiffre d'affaires. Elle regroupe environ 3000 personnes. Elle est formée de plusieurs centaines de magasins, avec là encore des centaines de franchisés. La valeur est estimée entre 100 et 150 millions. Mon épouse et moi détenons 98% du capital, la quasi-totalité. Vous êtes richissime. Non. Non, c'est pas de l'argent que j'ai sur mon compte personnel, c'est une entreprise. Et mes racines auvergnates me font dire « Vis honorablement, mais pas plus ». Le lieu dans lequel nous sommes est à peu près, c'est pas à peu près, c'est le seul luxe que nous ayons, point. Donc c'est un appartement dans un quartier quand même plutôt chic de la capitale, mais sans ostentation particulière. Surtout pas. Le passage du moment où on réfléchit à une solution, de transmettre à une fondation, ça s'appelle un fonds de dotation d'action, le capital passe effectivement par la famille, mon épouse, nos trois enfants. Donc oui, ça a donné lieu à un travail de prise de conscience, les enfants disant bah, « Papa ne nous transmet pas, sous-entendu, ne nous fait pas confiance ». Papa a toujours fait ce qu'il pensait être bon pour l'entreprise et ça a marché. Donc s'il le dit, c'est que on va comme d'habitude lui faire confiance. Mais on ne sait pas trop bien pourquoi. Et puis c'est un peu troublant. Pourquoi après tout il nous donne pas à nous bon, c'est beaucoup de non-dits. Hein, et c'est sur mes mots que je viens d'utiliser, pas les leurs. Mon épouse. Est-ce que je pourrais conserver un niveau de vie comme j'ai pu connaître et auquel je contribue maintenant? Sans mon épouse, je n'aurais pas créé l'entreprise. Donc c'est une vraie question. Il fallait sentir les attitudes, il fallait... Bon, c'est une vraie complexité sous-jacente au principe même de transmettre l'essentiel du patrimoine hors de la famille. Bon. Alors comment ça se passe ce jour-là, concrètement? Comment vous sentez-vous? Je perçois les tensions... pas de tous, notamment un de nos enfants, celui qui est artiste, comprenant très très bien le métier de Bureau Vallée, mais craignant pour son propre futur. Si j'ai un besoin, comment ça va se passer? Enfin, c'était pas plus structuré que ça. C'était une crainte, pour ne pas dire une angoisse. Et on avait commencé pour la première fois de faire des réunions familiales avant. On a repris ça. On a pour la première fois depuis fait un séminaire familial, 2 jours, 3 générations. Les petits-enfants couraient autour de la salle de réunion. Et ça a fait fleurir, officialiser qu'on était tous d'accord sur le fond, qu'il y avait besoin de rassurer, qu'il y avait besoin de comprendre. Il a fallu passer ce qui était une épreuve affective. Il a fallu passer ça. Et on a aujourd'hui une cohérence. Ce sujet n'est plus un sujet. Est-ce que vous pouvez m'expliquer le cheminement qui vous fait arriver à cette solution de non-transmission du capital à vos enfants ? Oui, c'est le fruit d'une réflexion sur de nombreuses années, qui est une réflexion autour de à quoi sert l'héritage. Je comprends assez vite que quand l'héritage familial du paysan à qui le seigneur au Moyen-Âge a donné quelques milliers de mètres carrés de forêt à défricher, qui a taillé, qui a coupé la forêt, qui a sorti les souches, qui a gratté le sol et qui en a sorti quelques ressources alimentaires, que son obsession soit de pouvoir transmettre à ses enfants. Ce paysan transmet à ses enfants la vie. Bon. Rien à dire là-dessus. Puis arrive, longtemps après, le commerce à courte, à moyenne et longue distance, c'est déjà plus de l'économie vivrière. Je ne travaille plus pour vivre, je travaille pour développer d'activité. Et je peux devenir très riche, ou d'ailleurs rater, si jamais je ne me suis pas bien sorti de tout ça. Bon, arrive l'industrie, 18, 19e siècle, gros risque, dont on peut comprendre que si j'ai pris beaucoup de risques, il est naturel que j'ai envie de recevoir le fruit de ce risque. Normal, sinon j'aurais pas pris ce risque. On comprend qu'humainement, même si ça n'a plus tout à fait la même logique, mais on comprend qu'on a envie de transmettre à ses proches, à sa descendance, qui a la culture de l'entreprise et qui a envie de continuer et de profiter d'eux. Sauf que, à force de transmettre de génération en génération, s'ouvre la pyramide des cousins, des cousins, des cousins qui n'ont plus rien à voir avec la création ni avec l'entreprise et deviennent actionnaires recevant des dividendes. Ça devient de la rente. Ils disent « Oh, on n'a pas eu autant que l'année dernière, là, comment ça se fait ? Faut vous bouger. Si ça continue, on va vous sortir. » C'est bon. Et on arrive au 21e siècle. On est dans nos pays occidentaux, dans des économies de services, du tertiaire. Le capital que j'ai mis au départ n'était pas énorme. Il était important pour moi, mais ce n'était pas énorme. Et je n'ai pas eu à ouvrir le capital pour permettre à l'entreprise de développer. J'ai aussi, pour ça, notamment, trouvé la solution de la franchise. Il me reste un noyau central. Je réfléchis à ça et je dis « L'action est composée de 3 éléments. » L'usus, l'abusus, le fructus. L'usus, c'est le pouvoir, le droit de décider. L'abusus, c'est le droit de vendre. Le fructus, c'est le dividende. S'il y a des résultats, j'ai le droit de recevoir ces résultats. On enlève l'abusus et on enlève le fructus. C'est-à-dire, on donne les actions à une fondation qui n'a pas le droit de vendre. C'est un sanctuaire qui n'a que le droit de recevoir les dividendes et de les dépenser dans le cadre de son objet, bien commun. Et elle nomme, en assemblée générale, le président et la direction générale. Point. À eux de faire le travail pour que ça se passe bien. Pour m'expliquer les choses clairement, j'ai le sentiment que le recours à une telle fondation met à mal les principes mêmes du capitalisme. et met le travail au centre, c'est-à-dire qu'il remet le capital à sa place de courroie de transmission du travail. Est-ce que je dis une bêtise ? Non, non, vous le dites très très bien. C'est absolument pas une bêtise, c'est tout à fait ça. C'est clairement, vous l'avez dit, c'est clairement une remise en cause du capitalisme tel qu'on le porte tous, plus ou moins consciemment, qui est une forme de pouvoir absolu, régulé par les lois et régulé par le marché. Mais sur les méthodes, le détenteur du capital peut faire ce qu'il veut. Et on a vraiment le sentiment d'être quelques-uns pionniers de la fondation actionnaire et de l'apprentissage de son usage. Je sais que vous n'êtes peut-être pas d'accord avec ça, mais le mieux, ce serait peut-être quand même de vendre tout domaine, non ? On parle de 6 millions, quand même. Toi, ça, je sais pas, mais ça te fait ni chaud ni froid de savoir que tu vas vendre l'endroit où on a grandi, où tout ce qui s'est passé ici, la terre, le vin, tout le travail de papa et maman, tous les... Tu t'en fous, toi, mais... Non, je m'en fous pas, Jérémy. Ça fait 10 ans que je vis plus ici. D'un point de vue patrimonial, en fait, Bernard Arnault a réglé les choses très vite. Hein. Dès 2017, il a transmis 75% du capital de LVMH en nue propriété aux 5 enfants, à part égale bien sûr. Hein. Et chaque enfant a reçu 73 millions d'euros en actions. Raphaël Baquet, journaliste. Donc maintenant, le sujet, c'est de transmettre le pouvoir. Au niveau capitalistique, c'est réglé, si je puis dire, et les 5 enfants sont à part égale dans le groupe. La transmission d'une grande entreprise familiale, c'est pas une affaire d'argent. Parce que, effectivement, la loi régit la répartition du capital et le fait de transmettre de façon égalitaire entre ses héritiers. C'est d'abord une question affective. Puisque vous transmettez le pouvoir dans l'entreprise, vous transmettez aussi une entreprise qui, parfois, souvent, pas toujours, mais porte votre nom, que vous avez incarné, et donc ce que vous transmettez, c'est toutes les relations d'amour ou de manque d'amour au sein d'une famille. Et c'est pour ça que même au sein de ces très grandes familles, parfois très riches, comme l'est la famille de Bernard Arnault, qui est une des premières fortunes françaises et même européennes, le sujet n'est pas l'argent, c'est plutôt la capacité à... être aimé et à aimer de façon égale ses enfants et à percevoir entre eux, parmi eux, lequel sera capable de reprendre le pouvoir. Bernard Arnault est très conscient de quelque chose, c'est que l'argent, évidemment, pousse à la dissipation et que submerger un enfant d'argent, ça va toujours à la catastrophe. Et donc, évidemment... Les enfants Arnault ont eu une enfance dorée, habitant toujours dans des hôtels particuliers, mais ils n'avaient pas du tout un carnet de chèques ou une carte bleue à volonté, comme l'avait Arnaud Lagardère. Pour avoir de l'argent de poche, il fallait ramener des bonnes notes, puis pas une bonne note. Hein. 10, 18 ou 20 sur 20 de suite. Hein. C'est vraiment poser tout de suite le lien entre l'argent et l'effort, et la discipline. C'est le contraire de ce que fait Jean-Luc Lagardère. Jean-Luc Lagardère n'est jamais là pour son fils. D'ailleurs, il en confie la garde et l'éducation à ses propres parents. Donc, c'est un enfant élevé par ses grands-parents. Et pour compenser, évidemment, ce manque, il ensevelit littéralement le jeune Arnaud sous l'argent. Un déluge d'argent. Et ça, évidemment, c'est une catastrophe. Ça veut dire que Arnaud Lagardère n'a aucune idée, ne fait aucun lien entre... l'effort, le travail et l'argent qu'on en reçoit. Et donc, il va toujours voir de la vie ses facilités et non pas ce qu'il relève de l'engagement personnel, du travail, de la discipline. Et ça se voit dans la suite. C'est-à-dire que même si Jean-Luc Lagardère a eu pour souci de faire rentrer Arnaud Lagardère dans le groupe, Arnaud Lagardère n'a jamais eu la volonté, la discipline, le sens du devoir, presque, je pourrais dire, de ce qui est nécessaire quand on dirige un groupe. Et donc, il l'a vécu en dilettante, en patron d'abord préoccupé de ses plaisirs, et dans son démantèlement progressif du groupe qu'avait constitué son père, on voit non seulement un règlement de compte des manques de l'enfance, mais aussi le résultat d'une éducation ratée. C'est très important, Jean-Luc Lagardère a négligé ou en tout cas fait le contraire de ce qu'il aurait dû faire sur l'équilibre psychologique de son fils. Il divorce, et ce n'est pas à sa demande, c'est à la demande de sa femme, lorsqu'Arnaud a 11 ans. C'est une époque où Giscard n'est même pas encore au pouvoir et donc le divorce par consentement mutuel n'existe pas. Or, Jean-Luc Lagardère, à la fois par son entregent, sa connaissance de la justice, va obtenir quelque chose que très peu de pères à l'époque obtiennent. Il va obtenir la garde exclusive de son fils et même une forme de mise à l'écart de la mère. Et ça, ce manque-là qu'il impose à son fils de 11 ans, cet enfant ne s'en remettra jamais. Et on le voit aujourd'hui, d'ailleurs c'est très frappant quand on rencontre Arnaud Lagardère, d'abord il a encore une voix de petit garçon, et très vite il pose ce manque qu'il a eu de sa mère et ce modèle écrasant de son père qui était à la fois un père, une rockstar, un modèle inatteignable et finalement un homme avec lequel il a régler un conflit oedipien, et la façon de régler ce conflit oedipien, ça a été de démanteler son empire. Dès la mort de son père, Arnaud Lagardère entreprend de vendre ses haras. Les haras, c'était à la fois le joujou extrêmement cher de son père, mais c'était aussi la forme de vengeance que Jean-Luc Lagardère avait eue à l'égard de son ex-femme qui était partie avec un grand éleveur de chevaux. Et donc, il se débarrasse de ce symbole, au fond, de la désunion de ses parents, et il se débarrasse de ce à quoi tenait le plus Jean-Luc Lagardère. Et peu à peu, il va agir avec le groupe exactement de la même façon. Il se débarrassera volontairement, avec une espèce de systématisme, de chacun des grands pôles qu'ont constitué son père. Évidemment, le pôle de la défense, le pôle des médias, bref, peu à peu, il va démanteler systématiquement tout ce qu'avait construit son père. Bonjour ma petite fille, venez près de moi. Je vous présente Maître Bassot, notre notaire. Bonjour monsieur. Bonjour petite madame. Patricia, je voudrais que vous écoutiez ce que va vous dire Maître Bassot. Voilà, votre belle-mère vient de modifier les clauses de son testament par l'adjonction d'un codicille. Dans l'original, après la mort de la testataire et de son mari, n'est-ce pas, il était prévu un partage égal entre les deux frères. À présent, un tiers de l'héritage reviendra à Pierre, le reste vous revenant pour vous et le petit Bertrand, n'est-ce pas? Je ne veux pas. Il ne faut pas faire ça. Et c'est déjà fait, chère petite madame. Ce n'est pas possible. Il ne faut pas faire ça. Je m'appelle Stéphane, j'ai 48 ans, je suis psychanalyste. Mon père est mort, ma mère est en vie et je n'ai pas hérité après la mort de mon père. J'ai hérité avant parce que mes parents m'ont fait des donations. Donc aujourd'hui, si j'ai un appartement, c'est parce que mes parents ont payé un appartement. J'ai longtemps espéré la mort de mes parents. Et depuis quelques années, cette attente-là, elle s'est cristallisée autour d'une idée fixe de qu'est-ce que je vais pouvoir faire quand je pourrai toucher l'héritage. Je crois qu'on peut parler d'obsession. Ça se traduit par ce qu'on appelle des fantaisies, c'est-à-dire ce que Freud appelait des fantaisies, c'est des fantasmes éveillés. Comme quand on se dit « qu'est-ce que je fais si je gagne au loto ?» Bah, pareil, c'est exactement pareil. Et qu'est-ce que je fais de ça? Et est-ce que je décide d'arrêter de travailler? Ou est-ce que je décide de travailler moins? Et qu'est-ce que j'achète avec? C'est vraiment ça. C'est vraiment le jeu qu'on peut se faire dans sa tête sur qu'est-ce qu'on fait quand on gagne au loto. Et j'avais cette espèce de fantasme que j'allais toucher de l'argent. Et en fait, non, parce qu'ils avaient pris des dispositions pour protéger le dernier vivant. Est-ce que la mort de votre père a été l'occasion de dire des choses, justement, à votre mère au sujet de tout ça, au sujet de la transmission, de la succession? Non. On ne pouvait pas beaucoup parler. Ça faisait 3-4 ans qu'on ne s'était pas vus. Ce que j'avais à leur dire, je leur avais dit avant, ils n'avaient pas voulu l'entendre. En fait, c'était terrible ce moment parce que pendant 6 mois, j'ai dû la fréquenter à nouveau pour régler ces histoires de succession. Et donc, je suis notamment retournée chez eux. Et ils me disaient toujours, un jour, tout ça sera à toi. Et il faut savoir que mon père est un grand collectionneur, qu'il avait plein d'objets. Voilà. Et il y avait aussi plein d'objets de mon grand-père, qui était quelqu'un qui était pauvre, mais qui fabriquait des objets en bois, et qui avait quelques livres à l'époque. C'est une famille qui vient d'Alexandrie, enfin, tout le monde avait des livres un peu reliés, des livres de famille. Et j'ai demandé à ma mère si je pouvais emporter ces livres, parce que c'était normal que ça me revienne, et elle n'a pas voulu. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que pour elle, à ce moment-là, il s'agissait de tout conserver à l'identique pour tenir mon père vivant dans cet appartement. Et que non seulement, du coup, j'avais pas accès à l'héritage au sens classique du terme, mais je pouvais même pas récupérer finalement les seules choses qui m'auraient intéressé en termes d'objets, c'était ce qui me venait de mon grand-père. Et par exemple, quand je me laisse aller à fantasmer sur le jour où ma mère partira et où j'hériterai, il y a deux choses, c'est-à-dire qu'il y a l'argent qui me permettrait de faire ce que je veux dans ma vie à moi, mais c'est surtout que c'est un endroit qui est hyper chargé, donc avec tous ces objets, toutes ces collections, etc. Et je sais absolument que je ne garderai rien, sauf ce qui vient de mon grand-père. Je sais que je vais faire venir un expert de chez Drouot et que y aura un inventaire et que ce sera vendu à Drouot. Je veux rien garder, bah déjà parce que c'est hyper encombrant et je veux surtout pas avoir sous les yeux des objets à eux. C'est marrant parce que j'ai déménagé il y a pas longtemps et je me rends compte que dans mon déménagement, tous les meubles que j'ai laissés, c'est des meubles qui me venaient d'eux. Je n'ai emporté que des meubles que j'avais moi-même achetés au fil des ans. Et je me suis rendu compte que j'avais gardé dans mes toilettes un meuble qui s'accroche au mur normalement. Dans l'appartement où on était quand j'étais enfant, ma mère ma mère disait que c'était elle qui l'avait fait. Ils avaient fait un trou pour que ma mère puisse m'entendre quand j'étais nouveau-née, quand elle m'a ramenée à la maison. Et puis, quand j'ai grandi, ils se sont dit, il faut boucher le trou. Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé comme objet pour boucher le trou? Cette vitrine-là. Le fond de cette boîte, c'est un miroir sans teint. Avec, quand on est face à la boîte, on a l'impression d'être devant un miroir. Mais quand on est derrière, on voit de l'autre côté. Hein, c'est le principe du miroir sans teint. Et quand j'ai grandi, plutôt que de boucher le trou, ils ont mis ce truc-là. Sauf que le côté sans teint était du côté de ma chambre. Et ils ont couvert ça pudiquement avec une affiche. Je savais que je pouvais voir ce qui se passait dans leur chambre, depuis ma chambre. Ce que, évidemment, je ne me suis pas privée de faire. Puisque c'était une belle invitation de leur part à ce que je sois dans leur lit, finalement. Hein. Et je ne sais pas pourquoi j'ai gardé cet objet. Je ne sais pas comment, au fil des déménagements, pourquoi j'ai décidé de garder cet objet-là. Qui était, finalement, un objet qui venait absolument condenser toute cette histoire d'inceste, d'incestuel, de choses qui sont mises à l'envers dans tout ce que j'ai vécu avec eux. Ils m'ont fait ça, ils sont comme ça. Ça, c'est aussi des gens qui... Enfin, moi, j'ai trouvé du matériel pédopornographique sur l'ordinateur de mon père. Je sais qu'ils allaient régulièrement en Thaïlande pour se taper des mineurs. C'est des choses dont ils se cachaient pas. Hein. Ma mère m'a touchée quand j'étais toute petite et elle, Je me souviens, je devais avoir quoi, 35, 36 ans. Elle le revendiquait encore comme un principe d'éducation positive. Hein. C'est pas des choses. La perversion, c'est pas le déni de l'acte, c'est le déni de ce que veut dire l'acte. C'est-à-dire, oui, on a fait ça, mais non, c'est pas de l'inceste. C'est pas négatif. Voilà. Je faisais part et partie de tout dans leur vie. J'avais pas de place à moi, certainement pas une place d'enfant. Et j'étais un bout d'eux-mêmes. Ça nous ramène à cette histoire d'héritage parce qu'en fait, hériter, c'était pas un choix. Parce que quand on hérite de quelqu'un qui n'est pas nous et qui nous lègue quelque chose. Et chez moi, c'était presque comme une... Il n'y a pas de transmission parce que c'est... Dans l'imaginaire de mon père, on était les mêmes, en fait. J'étais pas sa fille, il n'était pas mon père, j'étais un bout de lui. Quand on dit, par exemple, qu'on hérite de traits de caractère, pour moi, c'était terrifiant, parce que c'était pas que je ressemblais à mon père, c'est que j'étais lui. D'ailleurs, il disait toujours qu'on était les mêmes. Il montrait des photos de moi et de lui au même âge, gamin, et c'est vrai qu'on se ressemblait de manière assez... Et moi, ça me collait des angoisses terribles, parce que c'est pas que je lui ressemblais, c'est que j'étais un duplicata, comme un clone, dans sa tête à lui. Et quand je me suis retrouvée devant le notaire, je me suis rendu compte qu'il m'avait déshérité d'une partie de leur argent. Parce qu'ils avaient plusieurs assurances vie et je me suis rendu compte qu'il y en avait une qui avait mis mon cousin à la place. C'est comme ça, la perversion, c'est... Les gens ne sont pas des gens, ce n'est pas des sujets, c'est des objets, donc on peut les intervertir. Et donc, très clairement, mon cousin a pris ma place. Et moi, j'en étais très consciente et ça m'allait très bien. Parce que ça, moi qui suis fille unique, ça me permettait aussi de me dire qu'il y avait quelqu'un qui s'occupait d'eux quand même. Et j'étais très contente que quelqu'un se mette dans mes baskets à ma place. Et comment vous avez réagi sur le fait d'être déshéritée à ce moment-là ? C'est le notaire qui a dit le mot devant moi et ma mère. Et il a dit, mais enfin, attendez, c'est quoi cette assurance ? Là, on parle de chiffres, genre il y avait 250 000 ou 300 000 balles sur cette... Et le notaire a dit à ma mère, vous vous rendez compte, madame, que là, vous avez déshérité votre fille d'une partie de son héritage en faisant ça. Moi, je me sens orpheline, c'est-à-dire que même si ma mère est toujours vivante, je la vois plus. Alors peut-être que de fantasmer sur cet argent, c'est une façon de continuer à m'inscrire quand même sur le fait que mes parents vont me donner quelque chose. Et pourquoi l'argent est plus acceptable que les objets ? Les objets, ils sont chargés par leur fantasme à eux. C'est beaucoup déjà d'art érotique. Quasiment tout chez eux a à voir avec le sexe. C'est beaucoup d'objets qui viennent d'Asie, et moi je sais ce qu'ils allaient y faire aussi en Asie, à part faire les touristes. C'est chargé par leur personnalité. Comme on dit, l'argent, il n'a pas d'odeur. L'argent, il peut se transférer dans un truc qui soit que à moi. L'argent, c'est neutre. C'est un héritage dont je peux me saisir pour faire complètement autre chose que ce qu'eux auraient voulu en faire. Alors, si vous héritez, qu'est-ce qui représente pour vous cet argent ? La liberté. Déjà, il représente le fait que mes deux parents ne sont plus là. Que c'est fini, cette histoire. Je me dis qu'ils me doivent au moins bien ça. L'argent qu'ils ont pu me donner de leur vivant, c'est toujours ambivalent pour moi. Je me disais, non, il ne faut pas que j'accepte, ils m'ont payé un appart, etc. Bon. Je me disais, mais... ça va pas, quoi. J'ai un copain à l'époque qui m'a dit, mais vas-y, prends la thune, quoi. C'est au moins ça. Bah, je crois que c'est ça un peu aussi. C'est bah, au moins, c'est le seul truc qu'ils ont pu me fournir pour me mettre à l'abri, en fait. Donc, ouais, je prends au moins ça, quoi. J'aimerais pouvoir dire, je m'en fous, je refuse tout. Ouais, j'aimerais pouvoir me dire ça. Mais là, on parle d'une grosse somme, quand même. Si ma mère mourait aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on parle d'autour de 2 millions d'euros. En vrai, en même temps que je rêvais à tout ça, je me dis que je ne le toucherai jamais, cet argent. J'ai toujours été persuadée que je mourrais avant ma mère. Par contre, en termes d'héritage, moi, il y a un autre truc auquel je pense très souvent, c'est comme je n'ai pas d'enfant, il faut absolument, ça fait des années que je suis obsédée à l'idée qu'il faut que je fasse un testament pour que ce soit pas ma mère mon héritière. Parce que j'ai quand même, du coup, un appartement qui est à moi, j'ai une petite maison en Bretagne, j'ai des biens, j'ai pas grand-chose, mais j'ai des biens. Et moi, si je meurs, avant ma mère, c'est ma mère qui hérite. Et alors, cette idée, elle est insupportable. Les personnes dont on hérite, en règle générale, c'est pas tout blanc ou tout noir. Patrick Avran, psychanalyste. Il y a quand même toute une dimension aussi de distance, de difficulté, voire de haine qu'il a fallu franchir avec ceux dont on hérite parfois. Quand cette haine prend le dessus au moment de l'héritage, qu'est-ce qui ressort à ce moment-là? C'est difficile. C'est là où peut-être un psychanalyste peut aider au cours d'un héritage, mettre les choses à leur place. Parce que il s'agit de prendre à la lettre le versant juridique. Je n'hérite pas des sentiments que j'ai eus ou que cet homme ou cette femme ont eu à mon égard. J'hérite de biens matériels parce que, de par la loi, ça me revient, à moi et aux autres qui sont mes co-héritiers. Mais parfois, c'est un peu difficile. C'est un peu difficile quand il y a des objets qui rappellent un peu trop la personne en question. L'argent ne peut pas avoir ce rôle de rappel, justement, de poids. Si, bien sûr, l'argent a ce rôle de rappel et de poids, si on considère que c'est de l'argent mal acquis. Mais en même temps, l'argent a la faculté d'être tout et n'importe quoi. C'est ce qu'on appelle la liquidité de la monnaie. Il peut permettre de représenter tout, c'est-à-dire que, y compris avec de l'argent mal acquis, ce qu'on pense être de l'argent mal acquis, on peut faire de bonnes actions. Et il arrive qu'il y ait des héritiers qui, avec l'argent dont ils héritent, préfèrent en faire don à une association qu'ils estiment être bienfaitrice. Pour réparer ou pour mettre les choses à leur place. Parce qu'eux n'ont pas à réparer, ils n'ont pas fait de mal, entre guillemets. Donc, mais simplement pour mettre les choses à leur place, oui. C'est-à-dire ne pas cautionner ce qu'ils pensent qui a été mal fait. Et est-ce que vous rencontrez des patients qui souhaitent la mort de leurs proches pour hériter? Je rencontre toujours des patients qui, à un moment ou à un autre, souhaitent la mort de leur père, de leur mère, de leur frère, de leur sœur. Bien évidemment, ça fait partie des désirs inconscients qui sont présents. Il s'agit de mettre ça à une certaine distance. J'en ai pas rencontré jusque-là qui allait jusqu'à vouloir tuer pour hériter. Sinon, ça fait partie des fantasmes, c'est-à-dire que ça fait partie des rêves. Dans un rêve, on peut tout à fait rêver, on a le droit, de tuer sa mère ou de tuer son père pour hériter de sa belle voiture, ou de tuer sa mère pour avoir plutôt son, je sais pas, le diamant qu'elle porte au doigt. Ça fait partie des rêves, mais ça fait partie des rêves d'enfant. On a le droit de rêver. Il y a une différence entre rêver et passer à l'acte. Passer à l'acte, alors... Vous savez qu'un héritier qui passe à l'acte, il est déchu de l'héritage. C'est bon à savoir. Je suis désolé, j'ai frappé, mais personne n'a répondu. Bordel de Dieu, qu'est-ce que c'est ces façons de rentrer chez les gens comme ça? Je vous ai dit, j'ai frappé, mais... Évidemment, l'autre con avec sa musique a rien entendu. Je suis désolé. Je suis maître Leval. Notaire. Je me suis permis de passer. Je voudrais vous présenter mes sincères condoléances. Mon Dieu, vous êtes venu pour ça? Il faudrait que vous passiez à mon étude afin de régler les détails de la succession. Succession? Toujours des paperasses. Il faut mettre les choses en règle. Vous héritez de la maison en succession directe, vous et votre frère. Seulement, il faut savoir si vous désirez vendre ou si vous voulez la prendre en charge. Je crois que les propriétaires du garage Vox seraient très intéressés. Qui a dit que j'allais vendre? Mais personne, monsieur Le Heurt. C'est une éventualité, simplement. Il y a juste des formalités légales. Alors mettez-vous bien ça dans le crâne. Je reste ici. Je m'occupe de mon frère. Dites-le à ces salauds de Vogue. Ils peuvent se brosser pour la maison. Je leur vendrai pas cette baraque pour qu'ils s'empressent de la raser. C'est pas question. Alors c'est parfait. J'irai vous voir pour les formalités légales, comme vous dites. Allez, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Chacal. Les rats. Les vautours. Que quelqu'un essaie seulement de vouloir me foutre à la porte d'ici. Suicidez-moi ! Je m'appelle Mathilde. J'ai toujours manqué d'argent. Depuis que j'ai quitté la maison familiale, j'ai financé mes études, j'ai été pionne. J'ai toujours galéré. J'ai toujours eu l'angoisse de ne pas avoir un toit sur la tête. Et dans des périodes de précarité, je crois que la première chose que je payais, c'était mon loyer. Et je viens d'hériter pour la deuxième fois dans ma vie. Le premier héritage était une petite somme. J'avais 30 ans. Mon grand-père, à ce moment-là, qui avait beaucoup d'argent, avait peur de payer l'ISF. Il venait de vendre un appartement. Et donc, il a légué une petite somme à moi, mon frère et mon père. Et voilà, et cet argent, je l'ai dépensé pour changer de vie, pour reprendre des études. Et voilà. En fait, la véritable histoire, c'est qu'au départ, j'ai acheté une maison avec cet argent. Ça m'a fait un apport. J'ai dit à l'époque, je venais de me marier. Mais au bout de quelques mois, c'était pas ma vie. J'ai pas réussi, donc j'ai tout plaqué, le mari, la maison. Je me suis offert une nouvelle vie, plus précaire que l'ancienne, mais peut-être plus proche de moi. Mais peut-être que ça, c'est un luxe que je pouvais pas me permettre. C'est ce que je me suis dit parfois. Je me suis dit que j'avais déconné, que j'étais une rêveuse, qu'est-ce que j'avais cru en voulant suivre, en faisant ce qui me plaisait. Vous savez, un peu comme l'histoire de la cigale et la fourmi, quoi. J'avais l'impression d'avoir un peu chanté tout l'été, quoi. Et donc, de cet argent, matériellement, il n'en est rien resté. Quand je suis arrivée à Paris, finalement, j'ai eu l'impression d'avoir vécu une aventure balzacienne, quoi. C'est vrai que c'était... À ceci près que c'était une femme, mais qui montait à Paris et qui essayait de se faire une place dans le monde du journalisme et de l'édition. Je sais pas que je suis arrivée sûre de moi, mais je suis arrivée, je pense, assez naïvement et persuadée que j'allais trouver des pairs PIRS, quoi. Voilà, j'avais fait Sciences Po, je sortais de l'élite et je pensais assez bêtement que voilà, ça suffisait, et je me suis rendu compte qu'évidemment pas du tout. Je me suis rendu compte que le monde de l'édition et le monde du journalisme, même à gauche de la gauche, c'était des héritiers, bien évidemment. Ils avaient un appartement, ils avaient du patrimoine, ils pouvaient se permettre de faire des piges pour 3 francs 6 sous, ce qui n'était pas du tout mon cas. C'était aussi des gens qui très souvent étaient parisiens, qui avaient un entre-soi, des réseaux. Et ça, c'est des choses que je n'aurais pas pu rattraper. Là, j'ai compris qu'il y avait une marche sociale à grimper, quoi. Et sauf que j'en avais pas les moyens, moi. Moi, je vivais dans un tout petit machin. Je pouvais pas accueillir des gens pour des dîners. J'avais pas les moyens non plus d'aller au resto ou au théâtre du Châtelet ou au théâtre de la ville. Je pouvais pas mener le même train de vie et je pouvais pas socialiser à leur niveau. Or, c'est un métier quand même où il est important de bien socialiser. Et donc, c'était des héritiers. Voilà, ils vivaient dans un entre-soi et moi, j'avais pas la clé, j'avais pas les codes, j'avais pas les moyens. Et moi, c'est pas parce que je suis allée à Sciences Po que finalement, j'en fais partie. C'est pas suffisant. Je suis rentrée en province. Et puis récemment, très récemment, j'ai fait un nouvel héritage puisque mon grand-père est décédé. Et du coup, sa maison, qui était une grande maison à côté de la Baule, s'est très très bien vendue. Et on s'est retrouvés héritiers de sommes qui, personnellement, me dépassent. Mon frère, lui, a pris des assurances vie, a fait des placements. Mon père aussi. Et moi, il est là, en vrac, pas rangé, sur mon compte chèque, ce qui est complètement hallucinant. C'est délirant. Et c'est paradoxal, parce que... Mais je ne sais pas bien quoi en faire. Cet argent me fait évidemment plaisir et en même temps m'embarrasse et m'angoisse, en fait. J'ai peur de mal faire, j'ai peur de par exemple, d'acheter un appartement qui, en fait, ne serait pas une bonne affaire. Et du coup, j'aurais perdu tout mon argent. J'ai peur de me faire arnaquer. Je pense tout le temps à ce roman de Balzac, La peau de chagrin. Et j'ai l'impression que c'est ça. Que je voudrais surtout pas que cet héritage se réduise à un pot de chagrin. Voilà. Quelque part, c'est pas ma destinée d'hériter. C'est presque un accident biographique. Je veux dire, mon grand-père avait de l'argent. Il est né dans les bas-fonds de Paris. Il vendait des cravates dans le métro, dans un parapluie. Il a livré des pneumatiques dans les boîtes de pute de Pigalle. Enfin, vraiment. Et ma grand-mère, c'est pareil. C'est la misère crasse, quoi, vraiment. Et il a pris l'ascenseur social parce qu'il a économisé chaque sou, bossé comme un dingue. Et sans doute qu'il a fait quelques opérations qui ont réussi. Enfin, nous, on se retrouve middle class avec cet argent. Quelque part, c'est une erreur. Finalement, héritier, c'est un truc de riche. voilà, eux, ils savent, ils ont des gens pour les conseiller, ils baignent dedans depuis qu'ils sont tout petits, ils savent exactement quoi faire. Et puis moi non, moi je sais pas. Et je sais que j'ai pas un oncle, une tante ou je sais pas qui. C'est la seule chance de ma vie, j'en aurais pas d'autre. C'est la seule chance que j'ai de changer ma vie. Le mérite en héritage, transmission, une fiction intime. Avec Cécile, Francesca et Laurie Val, Bruno Perrol, Raphaël Baquet, Stéphane Passadeos, Patrick Avran, Mathilde. Mixage, Manon Houssin. Coordination, Perrine Carvran et Marie-Vonne Abolivier. Attaché de production, Anaï Morales. Un documentaire de Rémi Dibowski-Douat, réalisé par Anne de Pelchin. C'est l'histoire de Vlad Dracula, dit Tepes, prince roumain du XVe siècle. Il est le tyran ultime, un barbare dans le siècle de la Renaissance. Dracula veut dire le diable et le dragon à la fois. Vlad l'Empaleur reste une énigme. 400 ans après sa mort, Dracula prend les traits du prince des vampires sous la plume de l'auteur irlandais Bram Stoker. N'ayez pas peur d'écouter. Le prince Dracula, une histoire vraie. Une grande traversée de Matteo Caranta et Anne-Thérèse Franchini sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.